la vie comme si on allait y rester. Pourquoi on se fie à ceux qui nous ont blessés? Et pourquoi on est toujours dans l'excès? Pourquoi on pense que le futur il est mort et que le meilleur est passé? Dis-moi je suis quoi pour toi? Me demande pas pourquoi. J'y crois plus trop en l'amour car j'ai déjà cru trop de fois. On fait confiance à trop de folles, me demandez pas pourquoi. On est bien, on finit mal, ça on l'a vécu parfois. Et pourquoi les riches sont d'une mentale qui est pas terrible? Alors que pour les bons tous les jours c'est des pas terribles. C'est juste la réalité frérot atterrit. T'as plus de chance quand tu ressembles à Astérix. Pourquoi les gens sont devenus comme ça? Quand t'avances c'est Hamza. Ils aiment pas toi quand t'as tout tout. Pourquoi y'a des balances qui bavent tout? Des bonhommes qui parlent pas, des parents sous écrou, poteau. Solution à tous mes problèmes. Pourquoi la trahison elle vient des personnes qu'on aime? Pourquoi le pays me manque? Parce que là-bas c'est sans gêne qu'on peut tenir deux mois avec le prix d'un sanger. Maintenant je comprends pourquoi ma maman a se levé tôt. Pourquoi elle disait boss ne fais pas trop le fêtard. Pourquoi certains y roulent en Porsche et d'autres en vélo. Pourquoi l'ancien dormait pas sans fumer son pétard. Moi pourquoi je suis encore là à vous raconter ma vie, à demander du soutien, à demander vos avis. Pourquoi je suis encore là debout alors qu'il se fait tard? Sûrement parce que j'ai pas encore fini de fêter. L'amour des femmes c'est comme la fleur mais sans les pétales. Et pourquoi malgré tout ça elles nous font perdre les pédales? Pourquoi ça sourit pas avant d'avoir bu son fake-up? Pourquoi on sait d'office que c'est mort sans avocat? Pourquoi les gens sont devenus comme ça? Quand t'avances c'est Hamza. Ils aiment pas toi quand t'as tout tout. Pourquoi y'a des balances qui bavent tout? Des bonhommes qui parlent pas, des parents sous écrou, pour tout.